Merci pour ces informations. Et puis de notre côté, voici comment nous avons préparé l'émission avec l'aide, attention, d'un conseiller spécial. Salut les amis, salut Charline. Bonjour à tous. C'est qui hein? Mais c'est qui? Mais c'est une légende de la radio, c'est Jean Lebrun. Bonjour monsieur. Ben oui, c'est la voix de l'émission d'histoire sur France Inter. Alors, je voulais que Jean vous explique comment traiter un sujet historique. Ah oui, merci. D'abord, quel est le thème de l'émission? On va parler de Mitterrand. Oui, Mitterrand. Voilà. Ah, vous l'aimez bien. Les gens qui ne l'aimaient pas disaient Mitterrand. Ah, toi, déjà, ça c'est bon ça, savoir. Ouais. Très bien. Voilà. Alors, d'abord, pour faire une bonne émission d'histoire, il faut une bonne connaissance du sujet. Alors là, on est super calé. Posez n'importe quelle question. J'ai bossé. Sous René Coty, président de la République, il est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Badès-France, qui est à l'époque secrétaire d'État à la France d'Outre-mer. Oh bah non, c'est trop difficile, ça, personne ne sait ça. Les autres c'est Roger Duvau, député de Madagascar, parce qu'il y avait des députés d'Afrique et ils n'étaient pas tous noirs. Ah, le fan de Roger Duvau. Bien sûr, oui. Bon, en fait, la connaissance du sujet, ce n'est pas si important que cela. Ce qui compte pour une émission d'histoire, c'est le débit. Alors ça, écoutez. Dites, Charline, est-ce que vous savez que Mitterrand était élu président de la République en 1980 et tout le monde était joyeux. Non. Hein? Ah, comment il faut faire alors? Écoutez bien. Oui, alors. 1981, la France est en liesse. Ah, oui. Le député de la 3e circonscription de la Nièvre, François-Maurice Adrien-Marie Mitterrand, accède enfin au pouvoir suprême. Oh, c'est beau, Jean. En plus, il a dit Mitterrand, c'est qu'il aime bien. Mais bon, le débit, ce n'est pas si important que cela. Ce qui compte pour une émission d'histoire, c'est de prendre un invité qui maîtrise le sujet. Ah, ça, on a Laura Adler. Laura Adler. Voilà. Ah. Quoi, qu'est-ce qui se passe? L'invité, au total, ce n'est pas si important. Ce qui compte pour une émission d'histoire, c'est la bonne humeur. Je crois qu'on a tout pour faire une bonne émission d'histoire. Non, vous n'avez rien du tout. Hein? Mais c'est peut-être pour cela que ce sera tout de même une bonne émission. Allez, bon Mitterrand. Il a dit Mitterrand, ce qu'il aime ou il n'aime pas? C'est comme tous les Français, ça dépend des fois. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui réécrit l'actualité dans la marge. Et voici les deux invités qui ne parviendront plus à se relire jusqu'à 18h. Laura Adler découvrira dans cette émission qui est Pamela Anderson. Un sujet éminemment politique, oui, parce que Pamela a été reçue à l'Assemblée nationale. Et puis Albert Algout portera son regard rieur sur l'appel à la primaire à gauche. Il sera aussi question avec lui d'une journée portes ouvertes dans les mosquées. Et moi, je suis accompagnée de celui qui est tellement généreux que ça pourrait être tous les jours des journées portes ouvertes dans cette émission. Journée courant d'air, quoi. C'est Alex Vizorek. Exactement. Vous êtes moqueuse un petit peu, Charline Vanhoenacker, cette semaine. Allez, je vous ai quand même préparé un excellent programme. Mélanie Bauer nous parlera d'une race en voie d'extinction, les chanteurs de droite. C'était très intéressant. Guillaume Meurice, le journaliste de Salon, eh bien aujourd'hui, il s'est rendu au Salon de l'actionnariat. Quand Guillaume demande des conseils d'investissement, ça promet. Et enfin, Juliette Arnaud a fait une pause avant l'apéro pour nous parler d'un livre qu'elle avait lu après le Dijon. Aujourd'hui, c'était Sauvage de Sabri Laouta. Et c'est parti, mon kiki. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Laura Adler, François Mitterrand, journée particulière, c'est paru chez Flammarion. Et oui, c'est vrai que toutes les journées importantes de sa vie s'égrènent dans votre ouvrage. J'en lis un petit extrait. Tiens, le 4 septembre 1939, il part de la gare de l'Est pour le front. Dans sa besace, il a emporté le démon du bien de son cher Monterland, déjà annoté par ses soins. À son père, il évoque avec ironie ce voyage payé par l'État pour aller voir les voisins d'en face et ne déteste pas au début de vivre en sauvage. Et voilà comment, sur la page d'à côté, on a une photo, évidemment, de Mitterrand en soldat, parti sur le front. Alors, Laura Adler, c'est extrêmement détaillé. Là, on sait qu'il y a une vanne de Mitterrand, ce voyage payé par l'État. Mais c'est lui qui pour aller voir les voisins d'en face. Il y a des archives inédites. Oui. Alors, pour construire, c'est un puzzle, pour construire et reconstruire chaque journée, on est vraiment au plus près de François Mitterrand. Et puis, il y a vraiment un puzzle à reconstruire qui est immense, parce que ça démarre avec ses 18 ans et on termine sur son lit de mort. Ben oui, mais c'était l'idée que, d'abord, constatant qu'il y avait de nombreuses biographies excellentes sur François Mitterrand, et notamment celle de La Couture qui fait 3 volumes et à peu près 1800 pages, constatant qu'il y avait 2 bouquins excellents de France-Olivier Gisbert, constatant qu'il y a un bouquin remarquable d'Éric Roussel, qui est plutôt une biographie politique avec un peu de distance historique, je me suis dit que moi, mon sentiment personnel correspondant à la réalité de ce que j'avais vécu, puisque j'ai eu la chance de travailler à ses côtés et puis de le voir jusqu'à ces derniers moments, j'ai pensé que sa vie était un roman vrai. Et donc, je suis partie à la recherche d'archives inédites. Ce que vous venez de citer, c'est effectivement une lettre d'un grand amoureux qui s'appelait François Mitterrand, qui est tombé à l'époque amoureux d'une jeune fille qui avait 14 ans et demi et qui l'a encerclé. Voilà, Marie-Louise, qu'il appelait Béatrice parce que c'était plus chic. Et donc, il lui racontait par le menu détail tout ce qu'il vivait chaque jour quand il était sur le front. Donc, il y a tout un côté d'archives inédites et puis il y a un côté, effectivement, qui correspond à ma propre intuition, mais je crois qu'elle rejoint la réalité historique, c'est que c'était un joueur. C'est-à-dire qu'il a mis plusieurs fois sa vie en cause, il a joué très très très très fort, et souvent il a gagné, alors qu'il pensait, et les autres pensaient sur lui, qu'il pouvait rester tel un boxeur étourdi sur le ring à tout jamais. Et à plusieurs reprises, donc cette espèce de densité de romanesque, de croire que comme dans les romans, on pouvait toujours rebondir et construire sa vie à partir du désir qu'on en avait, eh bien, j'ai essayé de faire ce roman vrai par des journées particulières, parce que c'est vrai que c'est dingue. Il y a de nombreuses journées où il a engagé son existence, et hasard des choses ou nécessité, en tout cas, il a souvent gagné. Pas et contre la mort, hélas. Et il reste quand même des zones d'ombre où on peut forger, faire travailler son imaginaire. Et par exemple, la page du 4 décembre 71, ce chapitre commence « Il a disparu sans laisser d'adresse. OPS, tout le monde le cherche. Certains évoquent l'hypothèse d'un rapt. En vérité, il est parti incognito pour Calcutta à l'invitation de deux membres de l'association Frères des Hommes. » Alors, vous arrivez à détailler un petit peu les choses, mais finalement assez peu, parce que c'est quand même une fameuse zone d'ombre. Et donc ça, c'est aussi dans le livre, les angles morts sont là aussi, finalement. Ben oui, beaucoup d'angles morts, et je ne sais pas, évidemment, toutes ces journées, je ne connais pas la totalité de toutes ces journées particulières. Ce que je sais, c'est que quand il est parvenu, enfin, parce qu'il s'était présenté quand même trois fois à la présidence de la République, il a quand même considéré que c'était l'investiture suprême, son rôle et sa fonction la plus importante, mais il a gagné de toute son expérience d'homme politique, car il a été un ministre, l'un des ministres, le ministre le plus jeune de l'histoire de la 4e République, puisque Jean Lebrun parlait de la 4e République tout à l'heure. Il a eu une carrière absolument extraordinaire, d'abord comme ministre, ensuite dans l'opposition, ensuite il s'est présenté donc en 65, en 74, puis ensuite en 81, mais tout le monde l'appelait président depuis qu'il avait l'âge de 20 ans. Donc quand il est arrivé à un âge certain en tant que président de la République, il a gardé une certaine distance par rapport à sa fonction, une distance qui lui a permis, je crois, d'apprécier certains événements et d'engager des chantiers comme celui de l'abolition de la peine de mort, qui était ô combien impopulaire, et de tenir bon, ce qui n'est pas le cas de tous les présidents depuis, je crois. C'est François Mitterrand, Journée particulière, par Laura Adler, édition Flammarion, le roman de la vie de Mitterrand, jour par jour, day by day. Et Laura Adler, on vous retrouve aussi dans Permis de penser, sur cette antenne, c'est tous les samedis sur France Inter, à 13h20. I can't tell you how I feel, but I do. Get to me, but they do. I don't see the sky as blue as you do. Alabama Shakes sur France Inter qui chante Guess Who. Et maintenant, Alex, Guess Who entre en piste. Eh ben, Guess, c'est Mélanie Bauer. On a parlé musique, maintenant la théorie. Mélanie Bauer nous parle des chanteurs de droite. Ah, facile. Et pour commencer, un chanteur qui faisait le constat du manque cruel en France de chanteurs de droite, Mathieu Cotte, disparu pour cause de mort depuis 2008. Sur un texte d'Arnaud Lagardère. Une musique de François Pinault, je les embrasse. C'est magnifique. On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous écoutez, on dit c'est là, la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise. La croissance part en couille, sauvez nos entreprises. Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux. Allons, vos emplois sont en jeu, allez. Achetez, achetez, achetez, achetez, achetez. Achetez. Qu'ils sont cons, ça nous parle, on a fond. Mathieu Cotte. Alors vous allez être heureux, ouais, Alex et Guillaume, hein, puisque le chanteur numéro un de cette pratique assez rare en musique, c'est Michel Sardou, au top du top, avec ce titre paru en 1976 au moment du procès Patrick Henry, accusé du meurtre d'un petit garçon de 8 ans, affaire hautement symbolique, puisque son procès deviendra aussi celui de la peine de mort en France, plaidoirie historique de Robert Badinter, je ne vais pas vous apprendre ça, hein, qui convaincra les jurés de ne pas condamner Patrick Henry à la peine capitale. La chanson de Sardou, c'est donc... Je suis pour. Exactement, des arrangements disco et une musique bien guillerette pour faire l'apologie de la loi du talion. Ultra funky. Génial. Avec des cœurs. La peine de mort, c'est cool. Tu as volé mon enfant. Allez-y, chantez. Allez-y. Verser le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau. Tu périras. Formidable. Je savais qu'il connaîtrait les paroles par cœur, c'est insupportable. J'ai peur, exfiltrez-moi. Après ça, j'aurai ta tête en haut d'un mât, il dit après. Ouais. Formidable. Après Sardou, il y a Johnny. Enfin, c'est plutôt Johnny avant, 10 ans avant Sardou. Il pose les premières notes de la chanson pour jeunes de droite, avec cheveux longs, idées courtes, réponse à l'engouement de la jeunesse pour la mode hippie. Et le chanteur Antoine, il chante crié dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière avec les bras croisés. Nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé, sinon combien de larmes et de sang éviter. Crier dans un micro, je veux la liberté. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé. Sinon combien de larmes et de sang éviter. Laura de l'air connaît par cœur. Bah oui, ouais. J'ai dansé le twist. Les cheveux longs. Ouais. Je voudrais quand même dire à Booba et à Rof que Johnny et Antoine, c'était autre chose en matière de clash. Alors plus récemment, on se souvient de Florent Pagny, hein, qui s'insurgeait sur un riff de guitare acoustique. Oh oui, chanteur engagé. Hein. Des méchants impôts. Et philosophe, ma liberté de penser. Ben, oui, exactement, ouais, des méchants impôts qui lui prenaient ses sous, fallait oser, avec un texte hautement philosophique, vous Sardou disiez, Charline. Sardou a fait la même quelques années avant. Ah oui, oui, c'est vrai. Et Michel, et surtout les gros aussi. Et un clip surréaliste. Alors, c'est pas parce qu'on est tous les deux en orange aujourd'hui, mais c'est des petits bonshommes orange qui jonglent avec les meubles de Florent Pagny dans le clip. C'est ma liberté de penser. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Voilà. Prenez mes gosses et la télé, j'aurai plus rien. On va pas écouter, c'est oui, horrible. Il a oublié toutes ces bonnes bouteilles de Bourgogne, ça Harley Davidson. Non, il y a tout ça dans la chanson. Ah, c'est vrai qu'il est dans la pampa argentine. Il y a un truc caché sous une étagère, si je me rappelle bien, dans la chanson. Exact. Oui, c'est vrai. Plus obscur, un chanteur qui commence ses chansons par des discours de Sarkozy, hommages aux soldats. Il s'appelle Jean-Pax Méfray et il porte bien son nom, Méfray. Un monsieur qui vit encore en pleine guerre froide avec le communiste pour ennemi, comme ici, avec ni rouge ni mort. Force du pacte de Varsovie. Là, c'est du lourd. 6 millions d'hommes tenus kaki. Ouais. Alors... que l'Europe reste libre. C'est pas dans la playlist. Il faut rétablir l'équilibre. Faut se mettre en rang là. Je vous invite à écouter aussi Goulag, qui est absolument magnifique. Oh bah, j'allais rentrer dedans pour un samedi soir. Vous remarquez, c'est un peu comme Sardou, c'est un petit peu les mêmes mélodies. Oui, ça pour, percute, il y a de la percute, de la grosse percute. Il faut garder. Alors, bon, alors finalement, c'est quoi une chanson de droite? Pour bien comprendre le concept, je vous propose de découvrir le spectacle de Lucas Toi pauvre con, c'est pas facile à dire. Rigolo. Manu Galadur, Nicolas Sarkus et Stéphanie de Morano qui revisitent les répertoires de Michel Sardou, Didier Barbelivien, Doc Gynéco. Parce que, je cite, la gauche n'a pas le monopole de la chanson française à message. Il s'appelle Virage à droite et leur spectacle commence comme ça. Eh bien, bienvenue dans Virage à droite, tournée des enculés. Nous sommes très heureux de venir chanter à Bobigny, ville récemment passée à droite. Et dans ce milieu de la chanson qui est plein de discours de gauche et de comportements de droite, nous avons décidé de prendre le contre-pied et de vous amener un vrai discours de droite sur un mode traditionnellement réservé à la gauche, le concert de soutien. Concert de soutien, certes, mais qui ce soir sera consacré à notre cause. Et pour une fois, vous saurez où va l'argent. Il va dans notre poche à nous. Et donc, pour ne pas laisser cette chanson française, qui ne doit pas être française pour rien, ne la laissons pas à tous les braillards cosmopolites qui nous entourent, chers publics. Braillards cosmopolites! Aujourd'hui, on a tous les droits. On a du fric et des villas. Dépasser la France d'en bas. Quand je pense à moi, je pense à moi. Enfin, pour terminer, un morceau de génie de Didier Vampas qui s'appelle tout simplement Chanteur de droite. Didier Vampas, le trublion punk qui, malgré le succès de son groupe Les Vampas, a gardé son emploi d'électricien à la RATP jusqu'au 31 mai 2012 à 14h, il le précise lui-même. Gauchiste reconnu, hein, qui dans cette chanson rend hommage à Sardou avec des paroles touchantes. J'ai chanté toutes ces années sans avoir mon nom dans l'IB. Quand je regarde en arrière, pas de raison de me sentir amer. Je n'étais pas le seul à penser ça. On ne peut pas tous cette Jean Ferrat. La France, je l'aime, je n'y peux rien et les Français me le rendent bien. Je ne dis pas que j'avais raison, mais au moins, c'était mes opinions. Didier Vampas. Chanteur de droite. Merci Mélanie Bauer pour cette chronique sur les chansons de droite. On est en compagnie de Laure Adler qui publie François Mitterrand, journée particulière chez Flammarion. Pamela Anderson vient plaider la cause des animaux et en particulier des oies devant les députés français. Alors quand ils vont voir arriver Pamela à la buvette de l'Assemblée, ça va jaser. Ça serait pas la fille du panneau publicitaire qu'il y a dehors? Ça, il n'y a aucun doute, c'est une fille superbe. Regarde cette chevelure. C'est les lotions, ça, phénétone. Voilà la jalousie qui s'invite. N'importe quoi. Mais si tu as envie de te la taper, là, il y a un truc qui marche hyper bien. Sérieux? C'est quoi ce truc? Deviens célèbre. Et je te promets que c'est elle qui viendra te trouver. Je te raconte pas ce qu'elle a fait pour avoir cette pub. Ah, la tienne, grosse suceuse. Tu l'as méritée. Bah dis donc. Boulevard de la mort, Quentin Tarantino, oui, c'est de l'art. Mais bien sûr. Le 7e art, voilà. Donc on a le droit de dire suceuse quand c'est de l'art. Évidemment, évidemment. Pamela Anderson est donc à l'Assemblée. Ah bah là, elle y est en ce moment, là. Elle y est. Alors, Laure Adler. Mais je ne sais pas qui c'est. Quel manque de culture. Alex Vizorek, je vous laisse faire. Eh bien, elle a une série qui a eu son petit succès il y a quelques années. Quoi, c'est comme Loana. Mais non. Elle a des gros poumons. Non, elle est actrice. Plus actrice, quand même. Actrice. Elle est blonde. Et donc, elle était sauveteuse, alerte à Malibu. Elle était en maillot. Elle jouait essentiellement en maillot. C'était une série à base de maillot. Voilà. Elle a fait une sextape aussi. Oui. Donc, c'est dangereux, les sextapes. C'est une légérie d'une certaine génération. C'était la Jane Mansfield de ma génération. On va dire comme ça. Je préfère Jane. Bah oui, voilà. Bon, alors admettons que ce soit Jane Mansfield. Si, j'étais pas contre, mais je suis née, elle était décédée déjà. Donc c'est à l'invitation d'une députée écolo qui a proposé à Pamela Anderson de venir s'exprimer à l'Assemblée pour sensibiliser au gavage des oies, aux animaux en général. Où est-ce qu'on casse cette information? Est-ce qu'on la met dans la rubrique People ou la rubrique politique? Où il existe, comme chez François Hollande, une troisième voie. Une pie politique. Et il y a une rubrique pie politique, parce que de plus en plus, les deux sphères se confondent. Comment vous voyez ça, vous, Laure Adler? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que pense François Hollande du gavage des oies. Nous non plus. Alors, on devrait lui poser la question. Non, mais vous qui avez été genre conseillère culturelle, est-ce que vous auriez... J'ai jamais vu Pamela, comment? Non, est-ce que vous auriez... Est-ce que vous même auriez Loana. Mitterrand connaissait pas Pamela. À Mitterrand de faire défendre certains combats. Non, mais j'ai vu beaucoup d'actrices, mais il avait meilleur goût. Oui, c'est ça, mais voilà. Je veux dire, c'est important, parce qu'ici, c'est Europe Écologie des Verts qui fait venir... Oui, il y a un fond. Alors, par exemple, si c'était... Pardon? Oui, il y a un fond. Si c'était Marion Cotillard, ça passerait mieux que Pamela Anderson, peut-être? Non, parce qu'on n'en parlerait pas. Là, on en parle spécifiquement parce que c'est Pamela Anderson. Si on en parlerait quand même. Non, parce que Marion Cotillard, elle fait plein de trucs et on n'en parle jamais. Pourquoi l'Assemblée? Bonne question. Mais à l'invitation des députés. Mais pourquoi les députés qui ont quand même beaucoup de travail en ce moment? Parce que c'est un sujet important, le gavage des oies, pourquoi ça ne serait pas un sujet important? Oui, d'accord, mais enfin bon, on n'a pas besoin de Pamela, politique, quoi. Pamela Anderson, la preuve qu'on en a besoin, sinon on n'en parle jamais. Oui, comme Schwarzy pour la cause des animaux est une cause très importante. Ouais. Je préfère lire Elisabeth de Fontenay. Mais c'est la même chose que quand Brigitte Bardot avait été défendre le massacre des bébés phoques. On en a parlé juste à ce moment-là parce qu'il y avait Brigitte Bardot. Mais c'est des sujets importants qu'on rend inintéressants et comiques. La preuve, ça les décrédibilise. Ça nous fait rire dans votre émission. Ou l'inverse, où ça permet de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème à ce niveau-là. Elle vient à Brigitte la demande Bardot. De la fondation de Brigitte Bardot. Ouais. D'ailleurs, pour Brigitte Bardot, ça avait marché. Bébé, même combat. Exactement. Oui, ça, par contre, c'est que c'est pas ça on qui décrédibilise. Les opinions politiques de Brigitte Bardot. Ne connais pas celle de Pamela Anderson. Merci d'avoir choisi France Inter. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une zone de turbulence. C'est l'heure du moment Meurice. Exactement. Et Guillaume s'était rendu au salon de l'actionnariat. Évidemment, je crois que le type a un peu d'argent de côté, il nous a rien dit, mais il a envie de l'investir. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, je voudrais revenir sur les propos de Jean-Yves Courcial, notre spécialiste de la bourse à France Inter, qui a dit, je le cite, « Il y a une volatilité des actifs entrants proportionnelle à la plus-value de la valeur foncière nominale. » Alors désolé Jean-Yves, mais j'ai envie de te dire pas du tout. T'es complètement à côté de la plaque, mais comme j'ai rien pigé à ta phrase, je ne rentrerai évidemment pas dans les détails. Pour tenter de comprendre quelque chose, je me suis rendu ce matin à l'événement Actionnariat, qui ouvrait ses portes aujourd'hui au Palais des Congrès et qui était destiné aux petits actionnaires. Et moi aussi, comme Jean-Yves, j'ai envie d'aider nos auditeurs à mieux investir leur argent. Alors ma première idée en temps de guerre, c'était d'investir dans l'armement. J'ai donc demandé son avis à un spécialiste des placements financiers. Il n'est pas idiot, effectivement, que des entités comme Dassault Systèmes, Dassault Aviation, je veux dire, puissent tirer leur épingle du jeu, bien entendu. A priori, oui, pourquoi pas, même si c'est pas forcément directement déontologique, bien entendu. Mais est-ce que vous investiriez dessus? Pourquoi pas? Si un graphique me montre que sur un franchissement de plus haut que le dernier plus haut, par exemple, je vais pouvoir considérer ça comme un signal de hausse. Et ben voilà, il y a de la thune à se faire, les gars. Prenez des actions d'assaut, même si vous avez entendu, hein, elles ne sont pas directement déontologiques. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit détour à faire hein, pour que ça soit déontologique. Mais c'est pareil pour d'autres sociétés cotées en bourse. Prenez Total, par exemple. Alors, ils étaient là aussi. Alors, le problème, c'est que je suis un peu grillé, moi, chez Total. L'attaché de presse me connaît et aime pas trop que je rôde près de leur stand. Sauf que l'attaché de presse de Total, des fois, ben, elle est pas là. Ah, elle est pas là. Ah, ouais, elle va faire pipi, elle va fumer une clope ou acheter des talons aiguilles imitation léopard. Enfin, les occupations de l'attaché de presse, quoi. Ça m'a donc permis d'interroger tranquillement la personne responsable des relations avec les actionnaires chez Total. Comment ça se passe chez eux? On a un plan d'action très volontariste pour continuer à augmenter le cash flow de la société par rapport justement à l'environnement économique. Et est-ce que pour rassurer l'actionnaire, vous pouvez leur garantir que Total continuera à ne pas payer ses impôts en France? Non, je ne peux pas vous le garantir. Je ne vous garantirai pas. Mais alors c'est vrai que Total va payer des impôts en France? On espère. Mais quand? Après, il se trouve que voilà, c'est la fiscalité qui est faite comme ça. Mais oui, Total adorerait payer ses impôts en France. C'est un scoop, ça. Mais oui, ils font tout leur possible pour payer des impôts en France. On les a tous vus, les manifs d'actionnaires de chez Total, devant le Trésor public. On veut payer des impôts en France. Mais la fiscalité ne leur permet pas. Ne lâchez rien, les gars. On pense à vous. On pense également à cette autre énorme entreprise du CAC 40, Sanofi. Une entreprise qui vend des médicaments dans le monde entier. N'est-ce pas, monsieur le représentant des actionnaires? Oui, c'est dans le domaine pharmaceutique. Vous spéculez sur la santé des gens? Non, au contraire, la vocation est une vocation humanitaire puisqu'il s'agit de leur donner une bonne santé. Vous vous considérez comme un humanitaire? Oui. Oui, il y a une vocation humanitaire, ça c'est évident. C'est-à-dire que vous aviez le choix entre Médecins du Monde et Sanofi, vous avez choisi Sanofi? Non, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais je crois qu'on peut en convenir, ça n'a absolument rien à voir. Mais on s'en tape, on est là pour faire de la thune, commencez pas à péter l'ambiance. Bon, l'ambiance, elle est quand même un petit peu pétée chez Sanofi parce qu'un brave monsieur est venu interrompre mon interview. Encore un ami. Il traînait un peu l'oreille et il m'a demandé pourquoi je posais des questions. Donc je lui ai répondu. Parce que c'est mon métier, monsieur. Non, mais c'est le stand de Sanofi. Monsieur, il peut parler du comité consultatif des actionnaires individuels de Sanofi. Si vous avez des questions sur la société, on peut éventuellement y répondre. Mais j'interrogeais cette personne-là, mais je veux bien vous interroger vous aussi. Non, mais moi, j'ai pas de volonté de donner une interview aujourd'hui. Parce que dans donner une interview, il y a donner. Et chez Sanofi, on n'aime pas tellement ce qui est gratos. On est là pour faire du business dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Afrique. D'ailleurs, j'ai rencontré un Africain qui, lui, cherchait de l'argent. Combien? Je suis à la recherche d'un million d'euros. Un million d'euros? Vous les cherchez où? Je cherche chez les business angels. Je vais les convaincre de me mettre un million à ma disposition pour monter une boîte qui vend des mathématiques, de la poésie et un journal. Des mathématiques, de la poésie et un journal? On va acheter un château en Mayenne. Et... Ah, attendez, l'argent que vous cherchez là, c'est pour un château ou c'est pour un journal? C'est pour abriter le siège social du journal. Ah, il faut que ce soit un château? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on prend nos aises, on est à l'aise dans un château. On est plus à l'aise dans un château. Le mec est honnête. C'est vrai. Je comprends même pas les sans-abri qui vivent sur un carton. Monter une entreprise et acheter un château comme siège social, vous serez vachement mieux, les amis. Voilà, ça, c'est un conseil concret d'investissement. Il y avait également une petite mamie qui, elle aussi, avait tout compris à comment gérer son argent. Pourquoi elle était là? Parce que moi, je vais dans tous les salons où je suis, où c'est gratuit. Ah, c'est vrai? Oui. À partir du moment où j'ai une invitation gratuite, eh bien, je vais voir. Et là, qu'est-ce que vous pensez trouver? Des informations, ne serait-ce que ça. Déjà, j'ai les valeurs actuelles. Alors là, vous allez lire Valeurs Actuelles? Oui, bien sûr. Et oui, parce qu'il y avait effectivement un endroit où Valeurs Actuelles distribuait gratuitement ses numéros. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai immédiatement été attiré par cet endroit. Sûrement avais-je en moi le désir secret d'entendre pourquoi le lectorat de cette charmante revue était sur place. Et je n'ai pas été déçu. Je cherchais à échapper à ma femme et aux Arabes. Ça vous va comme excuse? Quand je suis dehors, quand je suis dedans, c'est ma femme qui me surveille. Quand je suis dehors, c'est les Arabes. Alors depuis, je me méfie. Si je suis tranquille, il n'y a que des hommes de quinquagénaire blanc et hétérosexuel. Alors il n'y a pas de problème. Si je suis tranquille. Voilà. Tout ça pour vous dire que si la connerie était cotée en bourse, j'ai croisé ce matin pas mal de milliardaires potentiels. J'y pense tout le temps, et pour que ça passe, ça passe. Je m'automédique, j'avale les extra-merdiques. Ouais, ouais. et je me dis que ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre d'escampette comme étant mon pour ralentir, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on le quinte au fond du bocal fêlé. Ouais, je crains de fuir fou, allié, marteau comme ici les requins. Source des tickets locales pour des cieux tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers collés, crocodiles Lacoste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à s'éteindre, pas vu des radars satellitaires. Cette île est-elle ici réelle, abandonnée? Ou bien dans ma tête, un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on quinte un tout petit grand café. Elles disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins. Sauce des tickets locales pour des cires tropicaux. Mais où suis-je? Et qui sont tous ces gens qui empilent des perles au cou, d'autres va-les-pieds? Vite, je courtise les filles des locaux, empilent des perles au cou, d'autres va-les-pieds. Lié Feu Chatterton sur France Inter, et voilà qui annonce l'entrée en piste d'Albert Algout. Oui, nous l'avions reçu au moment où Libération a relayé un appel à la primaire à gauche. C'est ici, au sein même des fidèles défenseurs de nos libertés, que je veux vous adresser ce soir un grand appel à l'unité. Je le dis bien haut, ce n'est qu'en restant soudés les uns aux autres que nous gagnerons la bataille décisive. C'est pourquoi, avant de nous quitter, inébranlablement ancrés, à gauche de ce qui est à droite et à droite de ce qui est à gauche, nous redirons l'avenir est pour demain. La gueule de l'autre, un film de Pierre Tchernia. Mais oui, vous rendez compte, Michel Serrault. Ouais, mais alors, on voudrait rigoler, qu'enfin, on fait pas. En fait, c'est pas on rien. Voudrait rigoler, mais c'est pas l'objectif de l'émission, je vous rappelle. Non, mais Albert Algout, on a envie de dire pas mieux, quoi. Tout est dit, c'est que c'est effrayant quand même. Oui, c'est le principe, comment dire, les primaires, c'est l'effacement des partis au profit des sondages, un petit peu. C'est l'effacement du programme au profit d'un candidat, mais qui ressemble au candidat de la, comment dire, la nouvelle star, la Starac, avec un jury beaucoup plus étendu, mais dans le fond, dans une société spectaculaire, c'est un peu le même principe. Donc, je comprends pas bien le pourquoi du comment. Parce que Valls avait fait 3%, même les perdants gagnent. 5%. Ouais, et puis, c'est bizarre, je sais pas, ça me passionne pas. Ouais. Bien que profondément républicain, enfin démocrate. Parce que républicain, alors, maintenant, c'est. Pourtant, ça a un autre sens, l'idée de faire une primaire, alors on rappelle que, bon, normalement, François Hollande étant président, il y a une forme de reconduction. À l'ancienne. Il ne va pas avoir de primaire, voilà. Mais s'il se représente. Pour, oui, s'il se représente. Il ferait baisser la corde de chômage. Effectivement. Ça fait beaucoup. Mais comme elle s'organise à droite, il y a une tribune qui est lancée dans Libération ce matin avec des intellectuels, sociologues, etc., qui veulent un équilibre des choses et une primaire à gauche. Alors, est-ce qu'une primaire, finalement, ça permet pas d'organiser d'abord un grand débat pour dégager un candidat? Est-ce que finalement, ça ne va pas dans un sens assez logique? Démocratique. Ouais. C'est-à-dire organiser le débat pour faire émerger un candidat et non pas le contraire. Je sais pas, mais leurs débats, ils sont quand même assez ennuyeux. Souvenez-vous des précédents. Ouais. Avec des, il y a quand même des tocards et des battleurs d'estrade extraordinaires. Je citerai pas de nom. Non, moi, vous avez raison de signaler qu'il y a primaire à droite, mais souvenez-vous, quoi, il y a eu les primaires au PS, c'était en 2006, hein, je crois, ou 2007, je me souviens plus. Non, 2011, je dis n'importe quoi. Oui, 2011. Faut se souvenir qu'à ce moment-là, la droite, c'était, comment ça s'appelait, l'UMP, à l'époque, tira à boulet rouge sur les primaires, ils se moquaient. Ce serait intéressant de reprendre des déclarations, des mecs, dont Sarko à l'époque, qui se moquaient des socialistes en disant c'est primaire à l'américaine pour qu'ils se prennent. Et maintenant, c'est totalement oublié. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est des primaires au Front National. C'est-à-dire Jean-Marie contre Marine. Et Marion. Et puis, Monsieur Philippot, soudeuillé par le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est ainsi que... Ça, ce serait marrant, des primaires au Front National. Mais y en aura-t-il un jour? Peut-être, puisque la démocratie avance et qu'ils sont démocrates, avant tout. Ils le disent sans arrêt. Mais cette union des gauches et des verts qui peut permettre d'avoir les gauches et les verts peut-être au second tour avec un candidat de gauche, ça vous enthousiasme voilà, qu'il y a un élan? On est le 11 janvier, on n'arrête pas de pleurnicher depuis un an. Est-ce que maintenant, il n'y a pas d'action. Je pense que je serais, comme beaucoup de gens, je ferais la connerie de m'enthousiasmer à nouveau, comme je suis enthousiasmé dans le passé, parce que parfois on ne peut pas faire autrement. Mais avec beaucoup de... Je sais pas de désillusion, parce que ça peut être repris comme un thème ultra réactionnaire. Ouais. Mais... il faut garder avec attentisme. Non, il faut garder beaucoup d'esprit critique et puis essayer de faire des trucs de son côté. Quoi. Et voici un autre dossier que nous avons soumis à Albert Algou, les mosquées qui ont fait une journée portes ouvertes un week-end de janvier. Bien qu'en réalité, en tant que lieu de culte, c'est portes ouvertes tous les jours. Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes, les Arabes? J'ai pas dit ça. Si, t'as dit qu'ils étaient tellement bêtes qu'ils savaient pas la différence entre une bière et un coca. Mais c'est pas vrai. J'ai pas dit ça, non. Je l'ai dit pour rigoler. Je l'ai pas dit, d'ailleurs. Pourquoi tu dis aussi que c'est des violeurs? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit des voleurs. Et encore? Si, l'autre jour. Non, j'ai rien dit, j'assure, je disais ça pour rigoler. Si, tu l'as dit. Bon, alors bois ton coca, mange-toi, va se tirer maintenant, c'est pas ça. Un extrait de Banzai. Banzai, oui, c'est drôle. Les mosquées étaient donc ouvertes en partie ce week-end. Une question que je pose à Albert Algou, mais c'est le père Albert qui peut répondre. Oui. Père Albert, est-ce que ouvrir les portes, c'est ouvrir l'esprit? Oui, bien sûr. Il y a des jeunes en recherche, ils peuvent aller à la mosquée, ils vont trouver leur voie, surtout en ce moment. Mais moi, ce que j'aurais aimé, mais malheureusement, c'est trop loin, j'aurais adoré aller à l'opération porte ouverte à la mosquée de Brest, vous voyez? Tu vois, il y a un animal qui fait... Ah oui, c'est juste. C'est tout, écoute la musique, c'est haram. Tu seras transformé en singe. Tu seras transformé en cochon. Puis il y a tous les... Ça, j'aimerais visiter cette mosquée. J'espère qu'elle était ouverte, là, pour cette opération. Mais il paraît qu'il n'y est plus. Il paraît qu'ils l'ont... Il a été viré. Ah bon? Non, il a été muté ailleurs, comme les profs. Les profs un peu, enfin, tendancieux. Ils sont mutés. Ou les prêtres aussi. Les prêtres, ils sont mutés. Oui. Il y a une espèce de monastère au sud de l'Italie, près de Bari, où ils mettent tous les curés alcooliques, pédophiles, etc., en attendant qu'ils soient jugés au Vatican par un tribunal extrêmement fermé. Jean Starac. Génial. Oui, non, mais ça existe vraiment. Et donc, je pense que peut-être pour les imams, il y a le même genre de... Ils devraient les mettre ensemble. Oui, t'as qu'à faire. On dirait un scénario de James Bond, vous voyez, le spectre. Alors, il y a là quand même un signe d'amitié envers la communauté musulmane. Mais alors, on se dit toujours, pas d'amalgame. Si on dit pour remédier à la situation ambiante, il faut visiter des mosquées, est-ce qu'on ne fait pas un peu l'amalgame quand même entre les djihadistes, les terroristes et le musulman qui va tout simplement pratiquer à la mosquée? C'est eux qui ont commencé hein, quand même, à faire l'amalgame. Oui, non, c'est très bizarre. Il y a quand même un malaise derrière tout ça et un truc qui a mal fonctionné pendant pas mal de temps. Dans le Figaro Magazine de cette semaine, il y a une longue interview de Michel Onfray, qui n'est pas du tout une interview de toutes les calomnies qu'on a pu raconter sur lui, que c'était un facho, etc. C'est une honte, il s'explique. Et il parle notamment de l'islam et c'est extrêmement intéressant. Mais c'était une interview qu'il avait donnée avant de dire qu'il laisse la boucler parce qu'on interprétait n'importe comment ce qu'il disait. Avant et sur l'islam, c'est extrêmement intéressant. Il parle que l'islam et la laïcité, c'est bien sûr compatible, et qu'il faudrait peut-être revoir la loi de 1905, parce que pour que les imams ne racontent pas n'importe quoi, pour éventuellement... pourquoi pas des financements si ça permet de contrôler les choses, mais pas contrôler d'une façon, j'allais dire, ça se dit sensorielle, non, de censure, censurante. Vous êtes déjà rentré dans une mosquée? Oui, bien sûr, la mosquée de Paris, oui, qui est très très belle. Mm-hmm. Malheureusement, j'ai pas pu beaucoup voyager, mais si au Maroc une fois, oui, il y a des voilà, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais on visite les églises, on visite les mosquées. Tout à fait, mais du moment qu'on respecte les lieux, qu'on fait ses godasses, et c'est souvent plus joli, n'est-ce pas? C'est vrai. Que les églises, bah oui. Juliette Arnault. Oui, comme nous sommes en pleine spiritualité. Bah, c'est ça. Ouais, non, on s'est passé inaperçu. Vous avez dit que c'était plus beau que les églises. Oui, c'est recevoir du courrier, ma petite. Elle n'a pas dit ça. Moi, si, mais c'est vrai que c'est très coloré. À chaque fois, il y a beaucoup de couleurs. Les églises, c'est sinistre. C'est beau aussi. C'est sombre, les églises. C'est triste. Il faudrait visiter les bibliothèques et arrêter de visiter les lieux de culte, surtout. Voilà, et aller dans des synagogues, c'est très joli. Le cinéma. Et dans les temples bouddhistes. Et dans ma camionnette qui est garée. Bâché cuir clouté noir, immatriculé GRP. PD75. Bonjour, Juliette Arnault. Bonjour. Alors, figurez-vous que la semaine dernière, le tome 4 des Sauvages de Sabri Laouta est arrivé au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles. Ça m'a fait une joie immense. J'en ai chanté dans la librairie. Dégalé Katane, dégalé Katane. Et quant à l'autre du bout du magasin, j'ai entendu un type reprendre ohé, ohé. J'ai cru que je n'étais pas seule en ce bas monde. Je me suis préparée à peut-être la rencontre de ma vie. Et puis non. Le gars venait seulement de retrouver une réédition de La Barbarie à visage humain de BHL en couverture en vauvelant d'horreur sur tranche, préface du Dalai Lama. Grosse déception. Qu'à cela ne tienne, vous êtes là, chers auditeurs, je vais vous conquérir au nom de Sabri Laouta. Ouh, c'est bizarre cette phrase. Le quatrième tome, ce qui fait donc un total de plus de 1600 pages, en comptant tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Alors si vous aimez les gros pavés, Balzac, Zola, Le Seigneur des Anneaux, la Bible, non. La Bible, non. C'est pour vous. Si, par ailleurs, vous pensez que si tous les hommes politiques étaient en camp de vacances dans Sodome et Gomorre, vous feriez comme Dieu, décidément, je suis à fond de textes sacrés, et vous régleriez le problème par le soufre et le feu, ce livre est pour vous. Parce que, justement, les sauvages peuvent réconcilier les Français avec la politique en général. La politique qui suscite tant de méfiance, tant d'inquiétude, tant de pessimisme ces derniers mois, voire années. Parce que les sauvages offrent une vision plus pragmatique, plus française, moins lyrique, moins de Maison Blanche. Ça devrait même carrément, selon moi, est un projet de gouvernement pour l'adapter à la télévision parce que ça favorise le civisme. Résumé des sauvages. En 2012, face à Nicolas Sarkozy, n'est pas élu François Hollande, mais un homme appelé Hider Chaouch, français d'origine algérienne. Et le jour de son investiture, il est victime d'une tentative d'homicide par criminel rouge, 18 ans, lui-même d'origine algérienne. Donc c'est un récit de politique fiction que l'on décrypte, ce complot contre Chaouch, complot contre la France, politique fiction bien avant le soumission de Michel Houellebecq. Merci, bisous, merci. Récit haletant, donc, qui voit s'affronter également deux autres frères de la famille Nérouche, donc la famille de ce petit jeune assassin, Fouad, l'acteur, quoi de plus inoffensif et intégré qu'un acteur, hein, vraie question, Fouad, l'acteur et accessoirement fiancé de la fille du président Amoché, et Nazir, le terroriste, véritable cerveau de l'attentat. Ah, Nazir. Incroyable personnage de fiction, le méchant à l'âme noire et tourmenté, non, l'un n'empêche pas l'autre, qui à la fin s'explique de manière sibylline par ces mots. J'aimerais une fois dans ma vie ne pas obtenir ce que je veux. C'est tout mon drame en un sens. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai menti, c'est mon plus vieux souvenir d'enfance. Je mens et on me croit. Alors je méprise celui qui m'a cru, je le déteste. Et puis, si une partie de l'action se passe à Paris, l'autre se déroule à Saint-Étienne, qui est la ville de la famille Nérouche. Alors ça, c'est merveille. Enfin, autre chose que c'est qui les plus forts, évidemment, c'est les vers. Enfin, la littérature à Saint-Té. Enfin, l'auteur, Sabri Laouta, est un jeune homme. Il est né en 82, ce qui me déprime. Il est fils d'ouvrier, il est né à Saint-Étienne et malgré des études de lettres, reconnaît candidement, aimer plus Balzac que Flaubert et ça carrément, ça m'enchante. Bref, lisez Les Sauvages, offrez Les Sauvages et si ça ne vous plaît pas, je me propose de recevoir les lettres de plainte en victime expiatoire. Décidément, c'est ma sainte semaine. On est toujours en compagnie d'Albert Algout sur France Inter et on lui soumet un autre dossier encore, hein. Sean Penn qui a rencontré El Chapo, le baron de la drogue mexicain. C'était juste avant son arrestation. L'acteur avait mis la police sur la voie du criminel. Sur cette terre, moi, je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Ne m'attends pas, voyons, mec. Je suis pas une pute qui vole. Con, regarde ça. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Chapeau Sean Penn et chapeau. Chapeau Sean Penn. Scarface featuring chapeau. C'est inattendu, tout aussi inattendu cette rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se prend pour Tintin, Sean Penn? C'est quand même fou cette histoire. Peut-être, mais moi je voudrais donner pas un grand coup de chapeau, mais un grand coup de sombrero à El Chapeau. Alors El Chapeau, ça veut dire le trapu. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on le voit physiquement. Le nain, le nabo. Et donc le trapu s'est fait attraper. Et le chapeau, comment dire, s'est fait choper. Et alors que, vous vous souvenez de la phrase de Raymond Barre? Non, c'est Raffarin, je confonds. Raffarin qui disait qu'on allait bientôt voir le bout du tunnel. Et bon, oui. Au moment où El Chapeau voyait le bout du tunnel, il est sorti, il s'est fait choper. Et donc, je trouve ça très triste. Et puis, il a été très euphémique sur la production de cocaïne, etc. Il empoisonne la moitié de l'Amérique du Nord, du Canada, de la planète. C'est quand même un des pires. Il a dit que s'il n'avait pas trafiqué, c'était pas grave, les gens en prendraient quand même. Donc, le mec, il se. Un petit commerce. C'est un petit commerçant, un petit artisan. C'est comme son histoire de dans mon village, on n'avait pas le choix pour survivre, et pour ça, j'extermine des milliers de gens avec ma dope. Mais en fait, Sean Penn, cinéma, etc., El Chapeau, il a été puni par son narcissisme. Le mec, péché alors qu'il d'orgueil. Pouvait avoir une vie peinarde, enfin évadé, avoir du blé, des gonzesses, des putes, de l'argent, de la coke. Le bonheur, quoi. Le bonheur pour lui, selon lui. Eh bien non, ce con-là, il veut être... qu'est-ce que j'ai dit, merde? Non, mais... Excusez-moi, il monsieur Chapeau. Albert Algo. Je regrette ce que j'ai dit. On met son adresse à votre disposition. Non, ce brave garçon, d'un seul coup, il veut tourner dans un film, et c'est à cause de ça, en gros. Péché d'orgueil, c'est Sean Penn. C'est pas ça, il veut qu'il y ait un biopic. Un biopic sur lui. Mais il y a eu tellement... C'est aussi la faute des cinéastes à faire 800 biopics sur Pablo Escobar. Parce qu'il y a un concours, entre les deux, jet de piste. Mais quand même, c'est la fascination spectaculaire qui l'a fait plonger. Le sketch, Albert, vous connaissez la règle, les invités sont impliqués dans un sketch. Vous avez beaucoup été père, Albert, alors j'aimerais bien que vous soyez le imam, Albert, puisque c'est vous qui faites... J'étais imam dans des sketchs qui me vaudraient très graves punitions dans Nulle part ailleurs. C'est une série qui s'appelait Les Intégristes, il y avait un imam et un prêtre. Très bien, vous êtes l'imam. Guillaume Meurice est le père Meurice qui fait visiter à Marine Le Pen la mosquée. Il s'est dit qu'il allait quand même essayer de l'emmener. On y va, c'est parti, c'est la visite. Oh là là, mais qu'est-ce qui fait chaud dans cette baraque, là? Au moins dans nos églises françaises, l'air est vivifiant. Oh, je dirais même plus, dans nos paroisses, on se les caille. D'ailleurs, si vous accédiez au pouvoir, un petit chauffage... Bienvenue à nos journées, portes ouvertes. Mes amis. C'est une bonne idée d'ouvrir les portes. Oui, enfin des courants d'air. Ouais. Je vous reçois dans un geste d'ouverture, mes amis. Excellent. Mais de quoi il parle? D'ouverture. Oui, j'ai entendu, mais enfin, c'est quoi l'ouverture? Laissez tomber. Mesdames, que faites-vous dans cette mosquée chaussée de rangers? Vous auriez pu vous arrêter à madame, que faites-vous dans cette mosquée? Avant d'entrer, on commence par se déchausser. Oui, alors je vous vois venir, vous voulez taper mes chaussures. Alors, soyez miséricordieuse. Prendrez-vous un tel amant? Vous n'auriez pas plutôt une bière? Oui, ou du vin dégueulasse, là, comme dans mes calices. Non, malheureusement, nous vous offrons une délicieuse pâtisserie. Bon, en tout cas, ça ne vaut pas nos hosties. Là, on est d'accord, c'est beaucoup plus calorifique, vos trucs. Attention, c'est l'heure de la prière. Ah, j'en connais plein. Par exemple, prière de dégager, prière de donner la priorité aux Français. Ne l'écoutez pas, elle a des propos un peu xénophobes. Vous êtes sûr? Dites, c'est normal que les petits garçons se mettent à quatre pattes là? Ah ouais, ça c'est de la position. Ah, donc vous en avez de la chance, parce que nous, on nous le reprocherait ça. Ça ne vous ennuie pas si je reste debout, moi? Non, si vous croyez pas en l'air. Non, j'y crois pas trop, non. Non, elle croit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, on a beaucoup de respect pour ces Palestiniens. Quoi? Non, il plaisante. Jésus n'est pas palestinien, il est juif. Quoi? Quoi? Mais quand je vais dire ça à papa? Voilà, Alex, nous entamons notre descente, faire le journal de 18h. C'est bien, je me suis bien amusé. Mais on redécolle demain, attention, dès 17h. Donnez-moi le planning. Orelsan et Jean-Paul Lepers. Très bien. À demain.